la muse de mes peines et je m'use de t'aimer. Domino, domino, le printemps chante en moi, Dominique. Le soleil s'est fait beau, j'ai le cœur comme une boîte à musique. J'ai besoin de toi, de tes mains sur moi, de ton corps doux et chaud. J'ai envie d'être aimé, domino, domino, domino. Je pardonne toujours, mais reviens. Magnifique interprétation de Domino. Alors on va continuer notre parcours en écoutant maintenant des morceaux de Jean Vessade qui nous a quittés en 1979. C'est lui qui avait composé Sombrero et Mantille. Eh bien on va écouter Le Retour des Cigognes. Chantons l'amour, Le Retour des Cigognes, un grand classique de l'accordéon. Les accordéonistes aiment jouer ce morceau. Il s'appelle Indifférence. Pas facile, Indifférence, hein, mais en tout cas, eh bien, on l'écoute. Thank you. Dansez maintenant sur Sangia FM, Hubert Ledent. Interprété par Éric Bouvel, ses 6 CD, 151 titres, 7 heures de musique. Cette semaine, eh bien, nous allons parler de Gus Viseur, Joe Privat, André Verschuren et puis Yvette Horner. Place maintenant à Gus Viseur qui nous a quittés en 1974. On écoute tout de suite la flambée montalbanaise. Magnifique interprétation par Éric Bouvel. Je vous fais un petit cadeau supplémentaire. Freddy Balta, qui nous a quittés en 2002. Coup de tête! We'll be right back. On écoute maintenant un mythe de l'accordéon. Je veux bien sûr parler de Joe Privat. 1919-1996, il vous interprète une chanson dédiée à son papa, sa préférée. FM, Hubert Ledan. Sur Sorgia FM. Je vous propose maintenant d'entrer dans l'ère de l'accordéon musette. Les seigneurs de l'accordéon musette, eh bien, je veux bien sûr parler d'André Verschuren, Aimable, Yvette Horner. Nous allons commencer avec eh bien, celui qui nous a quittés récemment, 2013, André Verschuren, et interprété par Éric Bouvel, de la valse dans ma musette. Thank you.